Ils sont là. Vous ne les voyez pas? Les mutants venant directement de la 8e dimension! Présente. The most beautiful, ugly sound in the world. Tokyo Metal. C'est toi en plus. L'aventure commence dans notre monde. De ce côté de l'écran vidéo. Et plonge dans un micro-univers qui vit et respire dans les espaces de l'imaginaire. Le monde de l'imaginaire prend forme sous vos yeux. De l'autre côté de l'écran. Même endroit, un peu plus tard, au même moment. Si vous aimez le Japon, les glitchs, les collages sonores et la hacking music, vous aimez déjà Tokyo Mental. Je ne suis pas un numéro. My God, it's full of stars. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et bienvenue dans Tokyo Mental. Un Tokyo Mental un petit peu particulier ce soir. Un Tokyo Mental mi-écrit, mi-pas-écrit. J'ai un petit peu bossé. Mais surtout, ce que je propose ce soir, c'est une sorte de hors-série. On va commencer par une intro un peu décalée. Je suis cinéphile. Alors j'ai un rapport au cinéma qui est d'abord sonore. Je me souviens de la bande-son, des répliques et des sons caractéristiques de tous les films qui m'ont passionné. Mon rapport au cinéma est donc un rapport émotionnel au son et notamment à la musique de film. Tout a commencé à 7 ans avec John Williams et Ennio Morricone et ça a continué avec Lalo Schifrin. Depuis que je fais Tokyo Mental, je réécoute la radio. Parce qu'avant, j'ai fait une coupure totale, coupure de télé, coupure de radio, coupure de médias. Ça a duré depuis au moins une bonne dizaine d'années. Bon, j'écoute pas vraiment la radio, j'écoute Pulsar. Enfin, j'écoute la radio, mais essentiellement Radio Pulsar. D'abord parce que c'est fait par des personnes qui sont majoritairement non professionnelles, donc c'est plus intéressant sur le plan créatif. Elles sont pas formatées. Ensuite, c'est varié, et puis il n'y a pas de pub. Et moi, la pub, je déteste. Et le mercredi soir, je l'ai déjà dit dans cette émission, j'écoute l'émission de Waldoka qui s'appelle Sonokino. Et la particularité de Sonokino, c'est justement de mixer les bandes-sons des films, des animés et des séries. Alors, il y a 15 jours, c'était un spécial Wendy Carlos. Wendy Carlos, c'est une femme compositeur qui joue du synthé. Elle est connue pour avoir composé la musique d'Orange Mécanique, par exemple, et une partie de celle de Shining. Mais moi, je la connais surtout depuis longtemps, depuis 1982, en fait. Lorsque j'ai vu mon premier film tout seul au cinéma, j'avais 13 ans, et ça s'appelait Tron. C'était un film totalement expérimental. D'ailleurs, ça reste toujours un film expérimental. Une espèce de particularité, de singularité au sein de Disney. Bon, ça n'a pas marché, hein. Mais tous les effets spéciaux, la musique et l'esthétique sonore du film, le design sonore. À l'époque, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Une musique étrange qui mêle composition orchestrale et son synthétique. Wendy Carlos a fait la musique de ce film et Tron, c'est surtout la musique de Wendy Carlos et ce design sonore très particulier. Et si on regarde la fausse suite qui a été faite il y a quelques années maintenant, avec les Daft Punk à la musique, on se rend compte à quel point ça marche pas du tout. Enfin bon, les Daft Punk, à la base, ça marche pas du tout. Sur le plan musical, c'est proche du baril de lessive. La même année que Tron est sorti Blade Runner. Et là, bon, ça a été le deuxième choc dans ma vie de cinéphile. Blade Runner, c'est mon deuxième pilier. Outre la vision du futur complètement incroyable, l'irruption du cyberpunk dans mon univers personnel et les effets spéciaux magnifiques qui sont encore aujourd'hui totalement supérieurs à toutes les merdes numériques que nous pond Disney à longueur d'années. L'histoire, les personnages, l'univers complexe, les réflexions philosophiques, ma rencontre avec l'œuvre de Kadic. Et surtout, Vangelis. Cette musique qui englobe tout, qui devient bruit, qui devient son, qui dépasse les frontières de la bande originale pour fabriquer un film total, une expérience synesthésique. C'est là que j'ai compris pour la première fois en quoi le son est supérieur aux images. Et en quoi les images réduisent en fait l'imagination en imposant l'esthétique de la personne qui les crée à la personne qui les regarde. Le son, au contraire, permet le voyage. Sans aucune limite, en puisant en soi pour créer des univers variés et surtout intimement personnels. La première fois que j'ai fait une expérience de design sonore, sans le savoir, c'était en écoutant tour à tour du Pink Floyd et du Jean-Michel Jarre à l'époque d'Oxygène, hein, parce que depuis, lui aussi, c'est devenu du baril de lessive, en lisant la bande dessinée de Philippe Druyer, Lon Sloan. Philippe Druyer, c'est un peintre. Ses planches, en fait, c'est des peintures. Et son univers est très, très psychédélique. Et avec du Pink Floyd dessus ou du Jean-Michel Jarre version Oxygène, paf! C'est un décollage sans besoin de stupéfiants et autres. En tout cas, chez moi, ça fonctionne comme ça. Et c'est là que j'ai compris que le son peut influencer ma compréhension du monde et la forme de ma réalité à un moment M. Moi, étant donné mon schéma cognitif, le bruit me dérange énormément, surtout celui de la ville. Quand je suis en ville, je mets mon casque et je balance ma bande-son à moi, quoi. Et tout de suite, la réalité est beaucoup moins angoissante. Tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Mercredi dernier, donc dans Sonokino toujours, c'était un spécial Yuji Ono. C'est un jazzman japonais qui touche à tout, qui a imprimé sa patte à toutes sortes de styles au Japon, que ce soit le jazz fusion ou le disco funk. Il mélange les instruments acoustiques et électriques et les synthés. Si les années 70 ont permis aux enfants de ma génération de découvrir les animés japonais sur les chaînes de TV, en France, elles les ont par la même occasion privées de tout l'univers sonore de ces séries. Un univers très très riche et haut de gamme. À cause d'un doublage, pas toujours de bon goût, et en créant des génériques maison complètement pourrie qui dénaturait la musique originale. À part Goldorak et Candy Candy qui ont gardé leur générique d'origine sur lesquels on a posé des paroles en français et plutôt de bonne qualité, tout le reste, ça a dû subir les coupes réglées de Éric Chardin, de Jean-Jacques Debout, de Didier Barbelivien et plus tard Dorothée et Bernard Minet, quoi. Bernard Minet, c'est une sorte d'idée de l'apocalypse sur pattes. Il a fallu attendre l'explosion des mangas en France et l'arrivée d'Internet dans les années 90 pour enfin connaître les artistes qui sont derrière ces superbes bandes-son, qui tout d'un coup font passer Capitaine Futur, alias Capitaine Flamme en France, ou Cobra, d'animés pour gamins, puisque c'est comme ça que ça a été présenté en France, pour, en fait, des œuvres pour jeunes adultes, voire des adultes. Yuji Ono, c'est aussi Lupin III, et la bande originale du film Le Château de Cagliostro, réalisé par Miyazaki. C'est un compositeur qui est extrêmement prolifique. Vous allez sur YouTube, vous tapez Yuji Ono, vous allez trouver des centaines de résultats. Et des albums, c'est une horreur. Enfin, c'est génial, mais c'est une horreur quand même. Il a par exemple réarrangé le générique de Chips. Chips, vous savez, c'est la série, la bromance entre deux flics patrouilleurs des highways en Californie. C'est un générique qui est composé à la base par Pete Carpenter, qui ont droit à une multitude de génériques hyper connus, avec Mike Post, qui sont compères, dont celui de Magnum, plus connu c'est Tumeur, et l'Agence Tourisque. Hein, l'Agence Tourisque, pas le machin débile version française, le vrai. L'Agence Tourisque, ça a connu le même syndrome que Starsky et Hutch, où les décideurs de TF1 de l'époque ont osé remplacer le générique original composé par Lalo Schifrin. Lalo Schifrin, c'est donc Mission Impossible, et c'est Bullitt. Par ce truc, cette horreur à base de Starsky et Hutch, nanana, les chevaliers au grand cœur qui n'ont peur de rien, et pas même du ridicule. Lalo Schifrin, c'est indescriptible, c'est une âme, c'est... Quand Chips a été diffusé au Japon, c'est Yuji Ono, alors connu comme le loup blanc là-bas, qui a fait les arrangements. Il a respecté les arrangements originaux, il a rajouté les siens par-dessus, parce que les Japonais, ils ont cette particularité d'aller chercher, ils sont très curieux de ce qui se passe à l'étranger en fait. Et ils sont aussi très, très, très respectueux du travail des autres. Et quand ils font quelque chose à leur sauce, c'est toujours mieux. En tout cas, c'est jamais moins bien. Il ne leur viendrait pas à l'idée de remplacer le générique de Saint Seiya par une chanson débile poussée par un type qui a moins de talent que la machine à café dans les logos d'AP Productions, par exemple. Vous voyez ? Donc, Chips, par Yuji Ono, ça donne ça. Pas mal, non? C'est très très proche de l'original. C'est vraiment très très subtil. Mais il y a un vrai travail derrière. Bienvenue Audionautes. Bienvenue vagabond des fréquences modulées, surfeuse de l'onde porteuse, arpenteuse des émotions sonores. Bienvenue à tous les numéros 6 qui cherchent à sortir du village. Bienvenue dans la H-33e heure de Tokyo Mental. Je suis le narrateur et nous allons passer ensemble les 60 prochaines minutes. Vous écoutez Radio Pulsar sur 95.9. un peu partout, aux alentours de Poitiers et à Poitiers même, et en streaming sur radio-pulsar.org. Ce soir, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas plonger dans ma Tokyo imaginaire. Non. Nous allons faire un petit tour du côté de l'atelier où se fabrique le véhicule permettant le passage de l'autre côté du miroir. Ce soir, je vous emmène dans l'interstice, hors du temps et de l'espace, où se créent les sons qui mènent aux émotions, qui mènent à l'humain en vous et à l'humain en moi. Bienvenue dans mon studio de production personnel que j'appelle Ramen Up. Ramen, radio, mental. Up pour unité de production. Ce qui donne l'amen up. L'amen comme les nouilles, ouais, vous aviez compris. Ici, j'écoute, je rip, je bricole, je colle, je détruis, je manipule de la matière à écouter et à entendre. Ici, je passe l'essentiel de mon temps éveillé, surtout depuis que je réalise Documental. Ici, j'apprends, je découvre, j'ouvre mon esprit et je fais des liens. Avant de vous présenter ma méthode de travail, oui, parce qu'on va faire un petit travail pratique, je vais vous faire le tour du propriétaire. Imagination. Ce studio est de type coin de table, car il occupe, dans la réalité, le bout d'une table. Et ce bout fait 1 mètre sur 50 cm. C'est pas grand-chose, mais ça me suffit. Sur cette surface sont disposés un laptop qui carbure à Linux. Pour ceux que ça intéresse, j'utilise une distribution Debian ultra-minimaliste qui s'appelle Bunsen Labs. J'ai aussi une paire d'enceintes, un casque et un sampler de la série des SP404 de chez Roland. C'est une petite boîte avec des pads, des boutons et un gros paquet de filtres pour composer des morceaux et les jouer en live. Sur cet ordinateur qui a 7 ans, donc c'est pas une antiquité, mais bon, c'est pas un foudre de guerre, j'utilise un logiciel open source qui s'appelle Audacity. Ça me permet de découper le son en tranches de manière visuelle, de faire des collages et des opérations basiques, comme des fondus. Rien de très perfectionné. Ça me permet de dégrossir le travail que je vais ensuite transférer sur la machine. Et puis là, je vais commencer à sculpter la matière, à la texturer, etc. Dans une autre vie, j'ai eu des logiciels bien plus complexes pour composer de la musique, mais ça ne me convenait pas, car ils faisaient beaucoup trop de choses. J'ai découvert en fait que je m'exprime mieux avec des outils limités ou tout du moins qui correspondent à mes besoins réels. La création, elle n'est plus alors basée sur le nombre d'options quasi limitées fournies par ces logiciels qui font aussi le café. Mais au contraire, c'est le résultat de compromis entre les idées qui me viennent et les moyens que j'ai à ma disposition pour les réaliser. Autrement dit, je jette pas mal d'idées parce qu'elles ne sont pas réalisables. Mais c'est pas grave. J'obtiens au final quelque chose de chimiquement plus pur. C'est là au croisement entre les idées et les ressources que la singularité existe et on a tendance à reproduire ce que le commerce fournit déjà au kilomètre parce qu'on est très très influencé par ce qu'on entend. À la base, je viens du turntablisme. Le turntablisme, c'est le scratch par exemple, ou le passe-passe. C'est une forme de DJing issue du hip-hop qui consiste à utiliser les sons des vinyles comme on utilise un sampler aujourd'hui pour créer des phrases musicales et des rythmiques. J'essaie de transposer cette manipulation manuelle de la matière sonore au travers de la SP404. Et même si ce n'est pas tout à fait comparable, c'est très proche dans l'esprit. Et l'esprit, c'est celui du hack, de la bidouille, de la trituration pyrrhique et de l'accident heureux, avec souvent l'échec au bout. Bon. Mais c'est aussi là que se situe l'intérêt, car il en reste toujours quelque chose. Quelque chose qu'on pourra recycler tôt ou tard. C'est grâce aux échecs qu'on devient la meilleure version de soi-même. Ouh là là. L'esprit aussi, c'est l'approximation par opposition à la manière chirurgicale de créer avec des logiciels perfectionnés. J'aime pas trop le son trop clair, trop défini. Ce que j'aime, c'est l'énergie brute, c'est l'intention et la puissance née de la spontanéité, de la fulgurance, de l'inspiration. Ce que j'aime, c'est l'éphémère que l'on retrouve dans le live. Ces moments de grâce quand l'artiste est en connexion avec quelque chose qui le dépasse. C'est l'improvisation du jazz, c'est l'effet du guitariste qui pousse les amplis à leurs limites, donnant une dimension concrète et palpable au son, parce que des fois, ça peut même être douloureux. Ce que j'essaie de retrouver avec Tokyo Mental, c'est ça. C'est une espèce de pas de vérité, mais de réalité, d'honnêteté, de spontanéité, que des mots hantés. L'émission de ce soir, ou plutôt la mission de ce soir, est de vous donner un aperçu en direct, à l'antenne, de ma manière de travailler, sachant que sur chaque morceau diffusé dans l'émission, il y en a entre 13 et 15 à chaque fois, je consacre pour chacun d'eux entre 30 et 60 minutes. Mais trêve de blabla, retrouvons-nous les manches, excusez-moi, et allons chez mon dealer de son favori, j'ai nommé YouTube. Alors, on va taper dans la barre de recherche Artcore, A-R-T, Core. C'est un style musical qui mélange les instruments réels ou les samples d'instruments réels avec des sonorités électroniques et des rythmiques souvent assez complexes. C'est des morceaux qui sont structurés de manière un peu comme ce que faisait Aphex Twin ou Square Pusher ou Venetian Snares. C'est quelque chose de très, très breaké, j'aime beaucoup. C'est un style de musique qui vient des jeux d'arcade au Japon, où le jeu d'arcade est encore très très prisé. Ce sont des jeux, par exemple, où on danse en rythme, où on tape sur des choses en rythme. Ça déclenche des événements dans le jeu, et voilà. Alors souvent, il y a des tempos très élevés. Et moi, les tempos très élevés, c'est pas mon truc. En général, je suis plutôt aux alentours de 130, 140 maximum. Là, c'est plutôt 155, 160. Par exemple, les artistes que vous pouvez trouver qui jouent du hardcore, c'est XI, Acoustic Notes, Ferriquitius, Sakusio ou Sasakure.uk. Alors faisons notre petite recherche. Attention, je vais manipuler le micro pour atteindre l'ordinateur. On a l'impression d'être sur un bateau qui grince. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Voyons voir. Par exemple, ah voilà. Un morceau qui s'appelle Melonade de Katomori. Écoutons. Oulala. Là là. Ce genre de sonorité, moi, c'est pas trop mon truc. On va voir comment ça évolue. Ça fait un peu tralala pouette-pouette. Là, c'est typique du hardcore, c'est les nappes de piano. Ah. Ça, c'est pas mal. Alors, on va voir comment ça évolue. Hop. Ok, il y a une partie breakée, typique. Bon, après, ça repart dans le tralala pouette-pouette. Et ça finit visiblement comme ça. Alors, on va l'exporter. Hop, hop, hop. On va ouvrir un terminal. Et on va taper une jolie commande. YT-DLP-X espace tiret, tiret, audio tiret, format MP3 et on va coller l'adresse de la vidéo et pam, voilà, et on rip, voilà. On va fermer le terminal. Maintenant on va retourner hop dans Audacity que j'ai préalablement ouvert. Alors, le morceau, il est là. On va écouter les différentes parties pour voir ce qui est intéressant. Alors, le début, par exemple. Le piano là est pas mal, il sonne pas trop mal en fait. Bon, alors on va voir comment ça évolue. Alors apparemment après derrière c'est assez moche. Bon, ça j'aime pas trop, ça me fait mal aux oreilles. Et puis bon, c'est un peu trop, ça me rappelle le gabber et puis espèce de trance toute pourrie qu'on retrouvait dans les années 90 là à 160-170 dB. Bam bam bam bam bam, c'était nul. Bon, ce passage est loin du genou. Alors après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est pas mal ça. On rajoute un petit fil dessus, c'est sympa. Après, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Là, il y a de la basse. Thank you. On peut faire je joue avec. Après, on a quoi ? Bon, on a ça, du piano. Bon, ça, non. Donc, en fait, on a deux parties qui sont vachement intéressantes. Celle-là, qui est une montée, en fait. Et après, ce développement avec quelques cassures de rythme. Donc, je vais me concentrer uniquement sur ces deux parties-là. Et puis, à partir de ça, je vais remonter totalement le morceau. Alors, je vais faire ça hors antenne parce que ça va être un peu laborieux. Et puis, on va s'écouter un... Ah, excusez-moi, j'arrête pas de bouger, donc j'ai l'impression que je m'en vais. On va s'écouter un truc en attendant. Et puis, je vous retrouve juste après. Alors, ça, on l'a déjà écouté. Retour en studio. Bon alors, j'ai pas eu le temps encore, parce que bon, quand même, c'est allé vite. Le morceau n'a pas duré super longtemps. Attention, je fais du bruit encore. Aïe, aïe, aïe. Alors, voilà ce que j'ai fait. J'ai pris des passages, et puis j'ai commencé à les monter bout à bout. Alors, ça commence comme ça. Là, j'ai fait une lecture à l'envers, si j'aime bien faire ça, c'est rigolo. Bon. Allez, il y a la montée. Voilà, là, ça commence dur, là. Alors ça, j'en ai fait une boucle. Encore. on va arriver à la variation, pardon. Voilà. Bon, pour l'instant, j'en suis là. Et là, c'est juste à partir de... C'est juste à partir de ça, quoi. Il y a dans cette partie qui doit durer, je sais pas, environ 30 secondes, il y a tout ce qu'on peut découper pour fabriquer des boucles, pour fabriquer des variations, etc. Alors, je vais continuer, hors antenne. Et puis on se retrouve ben, juste après ce morceau. We'll be right back. Retour en studio de production. Bon, c'est stressant, hein, parce que là, il me reste quoi? En gros, il me reste une vingtaine de minutes pour finir le morceau, pour pouvoir ensuite le jouer. Donc, j'ai un petit peu progressé, j'ai découpé des lamelles. Voyons ce que ça donne. Ça, c'est une boucle. C'est une boucle que j'ai découpée finement. Et ça continue. Ça. Retour de la montée de piano. Voilà, à peu près où j'en suis. J'ai un peu galéré sur cette partie. Je voulais créer une sorte de changement rythmique avec un retour en arrière, puis un retour et puis une avancée rapide vers l'avant. Voilà. On va continuer le petit voyage sonore. Alors moi, je vais continuer à travailler en antenne. Et puis, voici le prochain morceau. Stop. Voilà, voilà, ça redémarre. Alors, où j'en suis? Il me reste encore une minute de morceaux à faire, autant dire encore 5 ou 6 minutes. En fait, une fois qu'on a découpé toutes les parties qui nous intéressent, enfin qui m'intéressent moi, c'est-à-dire pour rendre le morceau efficace selon mon point de vue, en enlevant tous les trucs kawaii, un peu débilos, ils sont tous d'un côté, hop, après j'ai juste à les assembler entre eux, voir comment ils fonctionnent, rajouter quelques petites transitions, découper finement certaines parties pour pouvoir augmenter certaines fréquences ou certains effets que j'ai envie d'avoir. Voilà, là je suis à peu près à 2 minutes 15 à peu près. Voilà où j'en suis. Ok. Voilà. À partir de là, j'avais envie de faire une espèce de... Parce que pour moi, dans ma tête, ce truc-là, ça se joue devant des gens, dans un club ou dans une rêve. Ça se joue fort. Et donc, l'idée, c'est de faire monter, quoi. Donc, cette partie-là, c'est vraiment la partie qui emmène les danseurs. Tout le monde lève les bras. Voilà. Bon, je finis vite fait, là, parce que... Ouais, il est 42. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore? Ah voilà, et encore un morceau, et normalement je devrais avoir approximativement fini. De toute façon, on fera avec ce qu'on a. Studio, j'ai presque fini. J'ai rajouté, je vais essayer de faire une fin. Voilà, alors on rajoute ça. Pop. Crotte. Voilà. Voilà. Alors, il y a aussi un petit bout là que j'ai ici, je vais le rajouter. Et puis il y a cette fin. Alors, ça finit un peu brutalement. Voilà, comme ça. Donc, on va rajouter un petit effet qui est dans Audacity et qui permet de prolonger le son. Voilà, ça donne ça. Moi, j'aime bien cet effet, je trouve sympa. Ça et les retours, enfin les lectures à l'envers, c'est un peu mon truc. J'en abuse un petit peu trop. Bon, alors, le morceau pour l'instant, tel qu'il est, oh, il est 46. Faire un peu joujou avec pour voir un peu comment ça donne. Bon, il y a moyen de faire des choses. Alors, ce que je vais faire, là, il reste encore 10 minutes. Je vais passer encore un morceau, je vais fignoler vite fait, je vais transférer dans la machine. Et ensuite, on va le jouer, c'est-à-dire qu'on va le jouer en live. Et je vais rajouter les effets de la SP-404 en live. Et puis, advienne que pourra. Retour au studio pour la dernière fois, là, je pense. Alors, j'ai ralenti légèrement le morceau parce que je trouve qu'il est un peu rapide quand même pour moi. préfère la tonalité à 130, 140. 130, 140 BPM. Bon, c'est pas mal parce que ça tape plus dans les basses. Mais ça a perdu un peu en énergie. Bon, je vais l'accélérer finalement. Je vais le laisser tel qu'il était. Voyons voir ce que ça donne. Où est-ce que je suis? Je suis perdu. Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Ouais, c'est pas mal, ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le jouer. Et puis, ben, je vais faire des trucs dessus. Des trucs sales. Je vais faire ça, mais je vais l'enregistrer, parce que sinon, c'est quoi l'intérêt ? Quand je vais le réécouter demain, je vais être horrifié par ce que je vais entendre. Enfin bon, c'était ça l'idée, quoi. On part de quelque chose qui ressemble à... Enfin, qui ressemble pas, qui est ça. Bon, c'est pas si mauvais, hein. Mais bon, c'est quand même... Bon, ça fait pas sérieux, quoi. Là, c'est la nappe à la Klederman. Voilà, c'est là que ça commence. Et ça, c'est ma version. Bon, ça a quand même vachement plus de gueule, quoi. Enfin, moi, je trouve. Hein. Il reste 2 minutes 30. On va faire quoi ? On va rien faire, en fait. On va se calmer. Le morceau, bah, vous pourrez l'écouter sur le podcast demain. Et puis moi, eh ben, je vais vous dire bonsoir et puis bonne nuit. Je me suis bien marré. Un peu stressé, parce que c'est pas évident de faire ça en direct. J'ai beaucoup parlé, donc je suis enroué, j'ai pas l'habitude. On se retrouve la semaine prochaine, donc vendredi prochain, à partir de 21h, pour d'autres aventures. Et on va finir avec un morceau que je me rappelle plus ce que c'est. Bonne nuit, à plus. Yeah.